Et aussi, il ne faut pas avoir peur de ce que les gens vont dire de nous. Tu ne dois pas avoir peur des gens. Tu dois avoir peur d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ils vont dire que j'ai parlé à mon père de ça alors qu'il est sur son lit de mort. Ils vont dire... Non, il ne faut pas avoir peur des gens. Si tu vois que l'islam c'est la vérité, convertis-toi. Tu ne dois avoir peur de quiconque. Abu Talib, qu'est-ce qui l'a empêché de se convertir aussi? En plus de sa mauvaise fréquentation, il y a le fait d'avoir eu peur des paroles des gens. Abu Talib, il aidait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il le protégeait. Et il a été rapporté qu'Abu Talib, il croyait, il savait que la religion du prophète c'était la vérité. Il y a certains vers de poésie qui ont été rapportés et qui ont été attribués à Abu Talib, qui l'aurait dit « Wa arabta dinan qad alimtu bi annahu » من خير أديان البرية دينا ولولا الملامة أو حذار سبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. Et certes, tu nous as proposé une religion dont je sais que c'est la meilleure, c'est une des meilleures, من خير أديان البرية, une des meilleures religions. Et si ce n'était pas à cause du blâme des gens, du fait que je crains les insultes, tu m'aurais trouvé acceptant cela pleinement. Et donc ce qui a fait qu'il n'a pas accepté Abu Talib, c'est la mauvaise fréquentation et la crainte des gens. Qu'Allah Azza wa Jal nous préserve de ces deux fléaux.